C'est l'homme nous donne seulement sentiment. Nous comme vie, c'est pas un mot et boulon dans la chose la belle jolie. Toucher et c'est moi en blessé. Ne pas parler, pas j'aime réparer tout petit qui ne. Princesse, ça va bien parler. Tu me dis qu'il parle pour y me passe bien. Mon ancien, tu vas mettre un minute, princesse. Jolie, nous a salué. Yo sé le...